Donc plus jamais ma baby. Aimer, aimer, ça rembête. Donc plus jamais mon baby. Bébé, tu viens prendre mon temps. Tu joues et tu pompes mon sang. En vrai, tu m'as utilisé comme ton plan. Donc je veux plus jamais ma baby. T'auras plus mon cœur, plus nada nada. Pour ma baby, nada nada. Tu pourras pas me lady gaga gaga. Gucci lady gaga gaga. Oh non, baby, nada nada. My baby, nada nada. Tu pourras pas me lady, gaga gaga. Plus rien, nada nada. Toi, tu m'as menti. Viens pas t'excuser. C'est fait, j'ai plus envie. Toi, tu m'as menti. Viens pas t'excuser. C'est fait, j'ai plus envie. Qu'on les démolisse. Non, je ne veux plus rien de ce qu'on s'était promis. Ma baby die, ouais. En vrai c'est pas compliqué de trouver mieux que toi. Putain j'aurais dû y penser. Donc je veux plus jamais ma baby, oh. T'auras plus mon cœur, plus nada nada. Pour ma baby nada nada. Tu pourras pas me lady gaga gaga. Gucci lady gaga gaga. Oh non baby nada nada. Pour ma baby nada nada. Tu pourras pas me lady, gaga, gaga. Plus rien, nada, nada. Toi, tu m'as menti, tu m'as menti. Viens pas t'excuser, c'est fait. J'ai plus envie, baby. Toi, tu m'as menti, tu m'as menti. Viens pas t'excuser, c'est fait. J'ai plus envie, baby.